جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم وكم معصي إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 9 dans l'explication du tafsir de Surat Al-Imran. On était en train d'expliquer les versets. Je vais vous dire, c'était les versets de 8 à 11 dans Surat Al-Imran. Et donc, là où on s'est arrêté au dernier cours, on expliquait le verset « Inna alladhina ya'kuluna amwala al-yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira » C'est-à-dire ceux qui consomment les biens des orphelins injustement, ils ne font que consommer dans leur ventre le feu, et ils brûleront dans la fournaise, dans l'enfer. Et donc, on avait commencé à expliquer ce verset-là, et la dernière partie, donc la suite, donc dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit, il dit, « ثُمَّ قَالْ جَلَّ وَعَلَا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا هَذَا حَصْرٌ أي إنما يدخلون في أجوافهم عذابا من جهنم لأن ما يأكلونه حرام وسحت وظلم عاقبته النار فهم وإن كانوا يتلذذون به ويأكلونه في الدنيا فإنه ينقلب نارا تتأجج في بطونهم والعياذ بالله وليس الأمر قاصرا على الأكل وإنما عبر بالأكل لأنه أغلب وجوه الانتفاع بل يحرم جميع التصرفات التي ليست في صالح الأيتام سواء بالأكل أو بالشرب أو باللباس أو بالركوب أو غير ذلك فجميع وجوه الانتفاع بمال اليتيم التي تخل بماله وتضره كلها تدخل في هذا الوعيد. Donc le cheikh, il explique que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne donc que ceux qui consomment les biens des orphelins, ils ne font que consommer du feu dans leur ventre. Et le cheikh, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne donc que c'est comme s'ils ne faisaient que rentrer dans leur ventre du châtiment de l'enfer. Parce que ce qu'ils consomment et ce qu'ils mangent, c'est quelque chose qui est haram. Hein, et c'est de l'injustice. Hein? Et le châtiment pour cette injustice-là et pour cela, hein, tout ce qu'ils font, c'est l'enfer. Donc, ils sont en train de jouir de ce qu'ils mangent dans la dunya. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Ils sont en train donc de jouir de ce qu'ils mangent dans cette dunya par rapport à hein, les biens des orphelins. Mais cela se transformera au jour de la résurrection en feu. Hein, qui va brûler leur ventre et leur intérieur. Et il dit, « Wal'iyadhu billah, que Allah nous en préserve. » Il dit donc qu'il ne faut pas penser par contre que ça se limite uniquement à qu'est-ce qu'on consomme comme nourriture. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a uniquement exprimé ou mentionné, disons, « al-akl », la nourriture ou le fait de consommer. Hein, « Ya'kuloun » c'est-à-dire qu'il mange. Il a mentionné le fait de manger parce que c'est une des plus courantes parmi les formes de profit ou bien, disons, une des façons les plus courantes par lesquelles on profite des biens et de notre argent ou de l'argent de quelqu'un. En mangeant cet argent-là, en achetant de la nourriture ou en remplissant notre ventre avec. Mais ça ne s'applique pas seulement qu'à ce que tu as mangé de cet argent-là, mais ça s'applique également à toutes les autres transactions ou les choses que tu aurais pu faire avec l'argent. Même si ce n'était pas d'acheter de la nourriture, tout ce que tu peux faire avec cet argent-là ou tout ce que tu fais avec cet argent-là, eh bien dans ce cas-là, ça rentre dans ce qui est interdit aussi. Peu importe que ce soit de la nourriture, que ce soit quelque chose que tu bois avec, ou des vêtements que tu achètes pour porter, ou une monture ou un véhicule que tu achètes pour te promener, ou bien une maison que tu achètes pour vivre dedans, ou peu importe qu'est-ce que tu fais avec cet argent-là. Toutes ces différentes façons d'utiliser l'argent et de profiter de l'argent des orphelins, et qui est injuste et qui lui fait du tort à lui et par rapport à ses biens, eh bien tout ça, ça rentre dans la menace, hein, du fait de consommer et de manger les biens de l'orphelin. ثم قال جل وعلا وسيصلون سعيرا السين للتنفيس أي يصلون سعيرا في المستقبل في المستقبل القريب وذلك في الدار الآخرة وقوله تعالى إنما يأكلون في بطونهم نارا هذا في الدنيا وقوله وسيصلون سعيرا وهذا في الآخرة يعني فلهم وعيد في الدنيا ولهم وعيد في الآخرة والسعير اسم من أسماء النار والعياذ بالله ومعنى يصلونها أي يقاسون حرها من الصلي وهو الحرارة أي يقاسون حرها وعذابها وليس ذلك يعني وليس ذلك يكون في لحظة بل يكون أمدا طويلا يعني وهذه الآية يعني من آيات الوعيد التي جاءت في حق العصاة من المسلمين فمن ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وهو مسلم ومنها أكل مال اليتيم فإنه مهدد بالوعيد وفي هذه الآية دليل على أن أكل مال اليتيم من أكبر الكبائر كما عده النبي صلى الله عليه وسلم في أكبر الكبائر كما في الحديث الصحيح. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il dit donc ils brûleront en enfer, c'est-à-dire As-Sa'ir, c'est un des noms parmi les noms de l'enfer. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit, le cheikh il dit As-Sin, hein, Sayaslauna, ça, ici, c'est qu'est-ce qu'on, en arabe, on connaît comme étant le signe pour le futur, ou bien disons, pour dire ce qui va arriver dans le mustaqbal, dans l'avenir. Saufa, ou bien sin. Et ici, sayaslauna, yani, c'est pour le futur proche. Le futur proche, et c'est-à-dire dans l'au-delà. Et il dit donc qu'ils ne font que consommer du feu dans leur ventre, et ça c'est dans cette vie d'ici-bas, et sayaslawna sa'ira, c'est-à-dire dans l'au-delà, ils vont yani, brûler dans la fournaise, c'est-à-dire sa'ir, et c'est une menace pour eux dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et donc le cheikh il dit donc la signification sayaslawna, yani, c'est-à-dire ils vont brûler, ils vont sentir sa chaleur. Ils vont sentir et être brûlés par la chaleur de l'enfer. Et ça, ça ne va pas être dans un seul instant qu'ils vont être brûlés et que ça va être fini. Hein? Comme par exemple, une fois j'avais parlé avec des témoins de Jéhovah, ils m'ont dit non, l'enfer, c'est pas réel, on ne croit pas à l'enfer. Il dit si quelqu'un il brûle de toute façon, il brûle une fois puis c'est fini. Hein? C'est-à-dire son corps se brûle, puis une fois qu'il est brûlé, ça y est, c'est fini, il va plus brûler après. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le Coran que le châtiment il va être éternel et qu'ils vont brûler pas seulement une fois, mais ils vont brûler éternellement. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset kullama nadijat juluduhum baddalna, hein? Donc c'est ça le verset qui dit, donc chaque fois que leur peau brûle, hein, leur peau devient calcinée, yani, on leur change leur peau pour qu'ils goûtent au châtiment. Oui c'est ça. Inna alladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kam kullama nadijat juluduhum بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. Hein? Ou Inna Allaha kana azizan hakima. C'est le verset 56 dans Sourate An-Nisa. C'est-à-dire, chaque fois que leurs peaux auront été consumées par le feu, nous leur donnerons d'autres peaux en échange afin qu'ils goûtent au châtiment. Et Allah est certes puissant et sage. Et j'ai entendu certains qui disaient, ça c'est un signe de la part d'Allah parce que les terminaisons nerveuses sont dans la peau. Hein? Et c'est ça qui fait que tu ressens la douleur. Une fois que la peau est brûlée complètement, tu ne ressens plus cette douleur-là par la suite. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il leur redonne la peau à chaque fois fraîche pour qu'ils goûtent au châtiment éternellement. Et, hein, voilà, a'udhu billah. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. C'est-à-dire que ceux qui ont mécru, ils auront le feu de l'enfer. On va pas les achever, hein? On va pas les achever. لا يقضى عليهم فيموتوا. On va pas les achever pour qu'ils meurent. Et en même temps, on ne va pas leur diminuer, hein, ou on ne va pas leur alléger, il y en a de son châtiment. C'est ainsi que nous rétribuons toute personne ingrate, mécréante. Hein? Donc ça, c'est un exemple. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, hein, « La yamutu fiha wa la yahya ». La yamutu fiha wa la yahya. Il va pas mourir dedans, c'est-à-dire dans l'enfer, il va pas mourir et il va pas vivre non plus. Parce que cette vie-là, c'est pas une vie. Hein? C'est-à-dire c'est un châtiment éternel. Donc il est à chaque fois qu'il meurt, il vit, hein? Comme oui, éternellement. Donc c'est comme ça a été mentionné, expliqué par les ulama à propos de ces versets-là. Donc c'est pour dire, hein? Il n'y a pas de doute en ce châtiment-là. Et le cheikh, il dit ensuite, donc que ces versets-là sont des versets de menace. Et c'est une menace pour qui? Il dit, c'est une menace, hein, vis-à-vis des pécheurs parmi les musulmans. Yani, c'est-à-dire ceux qui ont commis des grands péchés parmi les grands péchés alors qu'ils sont musulmans. Et parmi les grands péchés, il y a le fait de manger injustement les biens de l'orphelin. Donc, il est menacé de cette menace. Et il dit que, donc, ce verset-là, hein, il confirme que de manger les biens de l'orphelin, ça fait partie des grands péchés parmi les grands péchés. Comme c'est mentionné également par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il l'a classé parmi les grands péchés aussi dans le hadith authentique. Et yani, par rapport à ça, donc c'est juste pour clarifier que le musulman qui commet ce péché-là, s'il va en enfer pour avoir commis ce péché et qu'il est mort sur le tawhid, eh bien, yani, il ne va pas rester éternellement en enfer. Il va rester seulement un certain temps, mais par la suite, il sortira par la miséricorde d'Allah. Le cheikh, il dit ensuite, فهذا مما يوجب على أولياء اليتامى أن يتحرزوا ويتحافظوا مع أموال اليتامى وأن لا يستهلكوا منها شيئا إلا في حدود ما أذن به أو أذن به الشارع لهم كما سبق بيانه قريبا وهذا من عناية الإسلام بالضعفاء من الأيتام وغيرهم في أنه سبحانه حذر من استغلال ضعفهم وعدم معرفتهم وحذر من أكل أموالهم في هذه الحالة لأنهم لا يقدرون على الدفاع عن أنفسهم فالله جل وعلا هو الذي تولى الدفاع عنهم وهذا دليل على عناية الإسلام بحقوق الناس وعدم التساهل فيها وأنه ليس لولي اليتيم سلطة مطلقة في ماله وإنما هي سلطة مقيدة بحسب مصلحتي اليتيم. Donc le cheikh il explique que parmi les choses qui sont donc obligatoires pour les tuteurs ou les responsables des orphelins, c'est donc de faire très attention à préserver, à protéger l'argent des orphelins pour pas les gaspiller, pour pas gaspiller ou dilapider cet argent-là. Donc s'il le dépense, de le dépenser uniquement dans les limites de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a permis dans la charia, comme on l'a expliqué précédemment. Naam. Ben ça dépend. Moi je pense, Allahu a'lam, mais comme on a expliqué dans les cours précédents, que pour que la personne puisse utiliser de cet argent-là pour elle-même, il faut qu'il y ait deux conditions qui soient présentes. La première, c'est que cette personne soit parmi les pauvres. Et deuxièmement, on avait dit que la personne, elle ne doit pas yani prendre plus que qu'est-ce qui est permis. Et on a expliqué que c'était déterminé par le juge. Ça devait être déterminé par le juge qui doit yani statuer, par exemple, selon son niveau de vie, qu'est-ce qui est permis pour lui d'utiliser de cet argent-là, s'il en a besoin. En ce qui concerne la personne qui, par exemple, elle dirait, moi, je suis pauvre, mais en même temps, je sais que si je serais, par exemple, responsable de cet argent-là, je ne serais pas capable de bien gérer l'argent moi-même, alors qu'elle veut la confier à quelqu'un qui pourrait la gérer mieux. Ouais, dans ce cas-là, oui, il n'y a pas de mal à ça. Au contraire, je pense que c'est un bien. Mais il faut que la personne s'assure que celle qui va gérer cet argent-là sera une personne honnête, qui ne va pas, elle aussi, donc, mal utiliser ou dépasser sa limite dans la gestion de cet argent-là. Hein? Allahu a'lam. Après, le cheikh, il explique, il dit donc que... du moment donc la personne elle dépasse pas les limites, parce que il dit le cheikh que l'islam elle a donné de l'importance, de l'intérêt, pour s'occuper comme il faut des personnes faibles, des personnes vulnérables, comme les orphelins et d'autres également. Et c'est pour cette raison là que Allah subhanahu wa ta'ala, il a averti contre le fait de profiter de la faiblesse des gens et de leur ignorance ou de leur manque de connaissances. Il a donc averti contre le fait de consommer leurs biens dans cette situation-là. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la capacité de se défendre eux-mêmes. Et Allah azza wa jal, c'est lui qui s'occupe de les défendre de toute façon. Et ça, c'est la preuve donc que l'islam, elle tient compte des droits des gens et ne prend pas ce genre de choses à la légère. Et que également le responsable ou le tuteur de l'orphelin, il n'a pas une autorité absolue sur les biens de l'orphelin, mais c'est une autorité qui est restreinte et limitée selon l'intérêt et le bien de l'orphelin lui-même. Le cheikh il dit ensuite: ثم قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. Donc le cheikh il dit donc que Allah Azza wa Jal il dit ensuite Allah subhanahu wa ta'ala, il vous enjoint par rapport à vos enfants, par rapport à l'héritage qu'ils doivent recevoir. Et ça c'est le verset 7. Aux femmes, Allah, c'est pas le verset, on avait lu le verset 7 auparavant, donc là maintenant c'est le verset 11, pardon. Voici ce que Allah vous enjoint au sujet de vos enfants: aux fils, une part équivalente à celle de deux filles. Aux fils, une part équivalente à celle de deux filles. Donc le cheikh il explique, il dit donc que bon, je vais le lire, après je vais traduire, inshallah. Cheikh dit: ثم قال الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين هذا شروع في تفصيل المواريث التي أجملها الله في الآية السابقة بقوله للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. فذكر في هذه الآية الكريمة نصيب الأولاد ونصيب الوالدين، لأن القرابة تشتمل على ثلاثة أنواع: أصول وفروع وحواشي. وذكر في هذه الآية نوعين، وهما الأصول وهم الآباء والأمهات والأجداد والجدات، والفروع وهم الأولاد وأولاد البنين. وبدأ يعني بنصيب الأولاد، فقال جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم. الله جل وعلا أوصانا بأولادنا مع ما هو معلوم من شفقة الوالد على ولده، فالله جل وعلا أرحم بنا من الوالد بولده، ولهذا أوصى الوالدين بأولادهم. والأولاد جمع أو لفظ يشمل، والأولاد لفظ يشمل الذكر والأنثى، ولهذا قال للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا بيان ميراثهم إذا اجتمعوا. فإذا اجتمع الذكور والإناث من الأولاد وهم في درجة واحدة، فللذكر مثل حظ الأنثيين يتقاسمون المال أو ما أبقت الفروض، وللذكر مثل حظ الأنثيين. Donc le cheikh il explique ici que Allah subhanahu wa ta'ala, donc il vous enjoint à propos de vos enfants par rapport à l'héritage, au mâle, c'est-à-dire au garçon, la part de deux filles. Au garçon, la part de deux filles. Et il dit ici que, donc ça veut dire que le garçon il a le double de ce que reçoit la fille dans l'islam. Et le cheikh, il dit donc que maintenant, on rentre dans le sujet de l'héritage. Le sujet qui a été mentionné de façon globale ou générale dans le verset précédent, dans le verset 7, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit aux hommes une part de ce que leurs parents ont laissé, ainsi que les proches, et les femmes une part de ce que leurs parents ont laissé, ainsi que leurs proches. Donc ça, c'était général. Maintenant, il commence à détailler les détails de cette question-là. Et donc, le cheikh, il dit donc, que dans ce verset, il mentionne la part des enfants. La part des enfants et la part des parents. Et il dit que parce que les proches, ils sont en trois catégories. Ils comprennent trois catégories. Les proches, quand on dit les proches, c'est-à-dire les proches parents, ils sont divisés en trois catégories. Et les fuqaha, quand ils parlent de ce sujet-là, de l'héritage, ils parlent de ces trois catégories-là. C'est quoi ces trois catégories? C'est al-usul, wal-furu', al-usul, wal-furu', wal-hawashi. Al-usul, ça veut dire quoi? Ça veut dire les bases. Et al-furu', ça veut dire les branches. Et al-hawashi, c'est, yani, qu'est-ce qui est moi, je vois ça comme étant c'est ce qui est sur le côté. C'est ça. Donc là, quand on dit al-usul, on parle de tes origines, tes bases, ceux qui sont à l'origine de ton existence sur Terre, c'est-à-dire tes parents et tes grands-parents. C'est eux qu'on appelle al-usul, tes racines, tes bases, ton origine. Al-furu', c'est tes branches. Si on compare ça à un arbre, ça va être les fruits. Qu'est-ce qui sort de tes branches? C'est les feuilles et les fruits, c'est-à-dire tes enfants, ta progéniture. Tes enfants et les enfants de tes enfants. C'est ça, al-furu'. Et al-hawashi, c'est ceux qui sont, par exemple, tes frères, tes sœurs, tes oncles, et ainsi de suite. C'est eux, al-hawashi. Donc, ça, c'est la division, les trois catégories, al-usul, wal-furu' wal-hawashi. Et le cheikh, il dit que dans ce verset, le verset 11, il a mentionné deux de ces catégories-là, al-usul, qui sont les pères les mères, les grands-parents hommes et les grands-parents femmes, les grands-pères et les grands-mères. Al-furu', ce sont les enfants. Et le terme enfant, il faut comprendre que ça comprend les garçons et les filles. D'accord? Alors, oulad, tu peux dire oulad pour désigner les garçons ou bien pour désigner les filles. Même si parfois on dit al-walad, hein, pour le garçon, mais quand on dit oulad au pluriel, ça comprend les garçons et les filles. Donc, il dit les enfants. Donc, al-furu', c'est les enfants et les enfants de nos enfants. Les enfants de nos enfants. Et en descendant. Et quand on dit les parents, donc on dit les parents, les grands-parents, et en descendant, les enfants, c'est les enfants et les enfants de nos enfants en montant. En montant. OK. Après, le cheikh, il dit donc, yusikum Allah fi awladikum. Allah subhanahu wa ta'ala vous enjoint au sujet de vos enfants. Il dit, il a commencé donc par les enfants, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, hein, il dit, on sait tous comment chacun d'entre nous, on a de l'affection, le père il a de l'affection, ou le parent il a de l'affection pour son enfant. Ça c'est naturel, Allah il l'a mis en nous. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a plus de miséricorde pour nous qu'un père envers son enfant. Et c'est pour cette raison qu'il nous a enjoint, hein, de bien, hein, de bien s'occuper, hein. Il a enjoint aux parents de gérer l'héritage de leurs enfants et de s'occuper de leurs enfants. Il dit le cheikh al-aulad lafzun yashmalu al-dhakar wal-untha. Donc le terme, comme je disais, le terme aulad, ça comprend garçon et fille. Et dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit les dhakar mithlu hadhil unthayin. Donc, al-dhakar, c'est mâle, et al-untha, c'est femelle. Et unthayin, c'est deux. Hein? C'est le duel. Donc, dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, al-dhakar mithlu hadhil unthayin, c'est-à-dire, pour les garçons, ils ont la part de deux filles. Hav, c'est la portion, ou la part. Et le cheikh, il dit donc qu'ici, c'est pour clarifier leur héritage lorsqu'ils sont réunis, lorsqu'il y a des garçons et des filles. Donc, s'il y a des garçons et des filles qui sont réunis, donc dans ce cas-là, s'ils sont du même degré, donc les garçons, ils vont avoir le double de ce qu'ont les filles. C'est-à-dire, ils vont avoir la part de deux filles lorsqu'ils vont diviser l'argent. Et il dit, ma abqat al-furud lil-dhakari mithlu hadh al-unthayayn. Donc, il y a des gens parfois, qu'est-ce qu'ils disent? Oh non, on va tous donner séparés également. Tout le monde va donner égal. On va tous donner égal aux garçons et aux filles. Ça, c'est contraire à l'islam. Ça, c'est interdit de faire ça. Et dernièrement, donc j'entendais en France, ils disaient non, on veut faire en sorte que l'héritage soit égal entre les garçons et les filles, parce qu'on est contre, on veut interdire ou empêcher les inégalités entre les sexes. Et pour eux, ils prétendent que l'égalité entre les sexes, c'est ça qui est correct, c'est ça qui est juste. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala est plus juste qu'eux, et lui, il a déterminé que la justice, c'est de donner aux garçons le double de la part de la fille. C'est ça la justice, même si c'est inégal. Parce que le terme égalité, c'est pas un synonyme de justice, contrairement à ce que beaucoup de gens aujourd'hui ont dans la tête. Ils s'imaginent que tout ce qui est égal est juste. Or, parfois, l'égalité, c'est une injustice. Dans certains cas, l'égalité, c'est une injustice. Et l'inégalité, c'est la justice. Hein? Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Donc, la femme et l'homme sont différents. Allah les a créés différemment et il les a créés les deux pour des rôles différents. Et c'est à cause justement de la différence entre ces rôles qu'ils ont une différence dans leur héritage aussi. Parce que l'homme étant donné que c'est lui qui a la responsabilité de la femme, c'est lui qui a la responsabilité de s'occuper d'elle financièrement et de lui pourvoir tout ce qu'elle a de besoin, qu'elle soit satisfaite de ça ou non. Mais franchement, quelle femme devrait, disons, ne pas accepter ça? C'est-à-dire une femme qui est logique, qui est raisonnable. Elle peut pas ne pas être d'accord avec le fait que l'homme, c'est lui qui doit s'occuper d'elle et de lui donner tout ce qu'elle a de besoin et qu'elle n'a pas un sou à donner. Sauf les femmes à notre époque qui ont été métamorphosées, leur cerveau, elles ne sont plus des femmes, ces femmes-là. En réalité, ce sont des hommes avec un corps de femme. Parce que si tu regardes beaucoup de femmes, comme en réalité, beaucoup d'entre elles, elles ont le même comportement que les hommes, elles pensent comme les hommes, elles parlent comme des hommes, elles agissent comme des hommes, elles s'habillent comme des hommes. Yanni, qu'est-ce qu'elles ont de femmes? C'est Yanni, rien. Yanni, excepté quelques petites différences biologiques. Mais elles refusent d'accepter qu'elles sont des femmes. Et elles refusent d'accepter leur rôle de femme, tel que Allah les a créées, hein, et tel qu'il a légiféré dans sa révélation. Donc ça, c'est parce qu'elles ont un manque de connaissance de la religion, puis elles ont un manque de foi aussi. Mais en ce qui concerne les femmes mécréantes, ça, c'est même pas besoin d'en parler, puisque les mécréantes, elles n'ont aucune connaissance du tout, et elles ne font que suivre leur passion dans ces questions-là. Hein. Donc, le cheikh, il explique, il dit: ثم قال سبحانه فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك أي إن كان الأولاد إناثا ليس معهن ذكور فلهن الثلثان مما ترك الميت أي نعم وقوله فوق اثنتين فهذا فيه إشكال فظاهر الآية الكريمة أنهن يستحققن الثلثين إلا إذا كن ثلاثا فأكثر وفي حين أن الثنتين يأخذن الثلثين كما جاءت به السنة وذلك لأنه إذا أخذت البنت الثلث مع أخيها فإن البنتين إذا انفردتا يأخذن الثلثين فأقل نصيب للبنت هو الثلث فإذا جاءت معها أخرى فلها الثلثان وأيضا جاء في السنة الصحيحة أن للبنتين الثلثين كما في قصة سعد بن الربيع الذي قتل شهيدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في معركة أحد فأراد أخوه أن يأخذ ماله فجاءت امرأته تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأخي سعد اعطي ابنتي سعد الثلثين وأعطي زوجته الثمن والباقي لك فأعطى صلى الله عليه وسلم البنتين الثلثين فدل على أن كلمة فوق لا مفهوم لها أو أن المراد بها والله أعلم أن للبنات الثلثين مهما كثرنا فوق الثنتين وأن نصيبهن لا يزيد ولو كثرنا فيكون فائدة قوله فوق اثنتين أي أن لهن الثلثين وإن كن أكثر من اثنتين إلى ما لا حد له وتكون السنة يعني بينت نصيب الثنتين وأيضا القياس على الأختين قال الله جل وعلا في الأختين فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك فإذا كان الأختان تأخذان الثلثين فالبنتان من باب أولى. Donc ici le cheikh, qu'est-ce qu'il explique? Il explique que, comme la suite du verset, فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ. Ça veut dire que s'il y a des filles, hein, même plus que deux, yani, alors à elles deux tiers de ce que laisse le défunt. Alors, elles ont droit à deux tiers de ce que laisse le défunt. Et s'il n'y en a qu'une, alors la moitié. Elle a alors la moitié. Bon, on va expliquer ça. Ici, le cheikh, il explique que il faut pas prendre parce que en arabe, quand tu lis le verset, fa'in kunna fawqa thnatayn, fa'in kunna nisa'an fawqa thnatayn, c'est-à-dire si elles sont plus que deux. Alors que dans la sunna, il a été clarifié que du moment qu'elles sont deux, hein, du moment qu'elles sont deux, alors elles prennent deux tiers. Du moment qu'elles sont deux, elles prennent deux tiers. Et c'est ça que dans la traduction, ils ont traduit selon justement cette signification-là, puisqu'ils disent, et s'il y a des filles, même plus que deux. Hein? Ils n'ont pas dit plus que deux, ils ont dit même plus que deux. D'accord? Donc c'est ça en fait le sens réel de ce verset-là. Et la preuve de ça justement, c'est dans l'exemple de Saad ibn Rabi', quand il a été tué pendant la bataille de Uhud. Son frère a voulu prendre son argent. Et sa femme est venue se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au frère de Saad, Ibn Rabi', donne aux deux filles de Saad les deux tiers. Et donne à son épouse le huitième. Et le reste est à toi. Et ça, c'est rapporté par Abu Daoud, At-Tirmidhi, selon Jabir. Et donc ça, c'est la preuve que les filles, si elles sont deux ou plus, qu'elles vont prendre deux tiers. Hein? Et il dit, donc si elles sont plus que deux, jusqu'à n'importe quel nombre par la suite, elles vont prendre deux tiers. Et c'est ça la position. Hein? C'est ça. La Sunna, elle a clarifié ça. Et il y a aussi la légende, il y a aussi l'analogie qu'on peut faire également avec les deux sœurs, telle que c'est mentionné dans le verset 176 dans Sourate An-Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala dit fa in kana tathnatayni falahuma thuluthani mimma tarak. Hein? Si elles sont deux sœurs, hein? Alors elles ont droit aux deux tiers de ce que le défunt a laissé. Donc si c'est le cas pour les deux sœurs qu'elles doivent prendre deux tiers, alors pour les deux filles encore plus. Hein? Le cheikh il dit, falahunna thulutha ma tarak. Donc c'est ça. Pour les filles, si elles sont deux ou plus, alors elles ont droit aux deux tiers. Il dit, ثُمَّ قَالَ جَلَّ وَعَلَا وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ إِذَا انْفَرَدَتْ بِنْتٌ وَاحِدَةٌ فَلَهَا النِّصْفُ وَذَلِكَ بِأَنْ لَا تَكُونَ مَعَهَا أَخُوهَا الَّذِي يُعَصِّبُهَا وليس معها مشارك وهن أخواتها فإنها تأخذ النصف وهذا معنى وإن كانت واحدة فلها النصف. Hein? C'est-à-dire que le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans la suite du verset que si elle était toute seule, la fille, qu'il n'y avait pas d'autres frères avec elle, il n'y a pas d'autres sœurs avec elle, qu'elle est toute seule, une fille unique, alors dans ce cas-là, elle a droit à la moitié. Et le cheikh il dit, donc c'est ça, il n'y a pas de frère, elle n'a pas de frère, puis elle n'a pas d'autres sœurs qui sont associées à elle. Alors dans ce cas-là, elle va prendre la moitié, tel que c'est mentionné dans le verset. ثم قال جل وعلا ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك أي لأبويه وأمه لأبيه وأمه لكل واحد منهما السدس. لكل واحد منهما السدس مما ترك. وإن كان له ولد، أي إذا كان للميت ولد ذكر أو أنثى قريب أو بعيد، فإن للأم السدس وللأب السدس فرضا. وإن بقي شيء بعد الفروض فهو للأب تعصيبا، وإن لم يبقى شيء بأن استغرقت الفروض جميع الترك فإنه يقتصر على السدس. Donc la suite du verset, وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَ السُّدُسُ. Donc il ne faut pas penser qu'après avoir lu les tafsirs de ces versets, vous allez comprendre les règles de l'héritage en islam. Si vous pensez ça, vous avez... Non, ça c'est sûr que ça peut vous donner une idée, mais ça ne va pas vous permettre de connaître la science de l'héritage uniquement après avoir lu le tafsir de Sourate An-Nisa. Il y a des livres de fiqh qui ont été écrits par les ulama pour expliquer les règles de l'héritage de façon plus détaillée, plus structurée. En même temps, ces livres-là, vous devez les étudier avec un professeur. Et l'héritage, c'est un petit peu... il y a des mathématiques là-dedans. Donc, il faut faire des exercices, il faut pratiquer. Tu peux parfois faire les calculs, tu vas te tromper dedans. Donc c'est pour dire que c'est comme un petit peu comme des mathématiques. Ça se pratique. Si tu le fais pas pendant très longtemps, tu peux l'oublier après. Tu dois toujours te rafraîchir la mémoire dans ces choses là. D'accord? Donc je me rappelle, j'avais un professeur de mathématiques à l'école. Il disait, les mathématiques, les mathématiques, c'est pas un sport de spectateur ou d'observateur. En voulant dire que tu peux pas juste regarder puis comprendre. Il faut que tu fasses des exercices pour que tu le comprennes, puis tu l'apprennes, puis que tu arrives à le maîtriser comme il faut. Donc, dans la suite du verset en question, il dit, quant au père et mère d'un défunt ou du défunt, à chacun d'eux le sixième de ce qu'il laisse s'il a un enfant. Et s'il n'a pas d'enfant et que ses pères et mères héritent de lui, à sa mère alors le tiers. Et ainsi de suite. Donc, ici, le cheikh, c'est ce qu'il explique. Il dit donc que les deux parents, wali abawayhi li kulli wahidin minhum as-sudus. Donc pour le père et la mère, le défunt, ils vont prendre un sixième. Ils vont prendre un sixième de l'héritage. Le père et la mère. In kana lahu walad, il dit ay idha kana lil mayit waladun dhakar aw untha qarib aw ba'id. فإن للأم السدس وللأب السدس فرضا. Donc c'est ça. S'ils ont un garçon ou une fille proche ou loin, c'est-à-dire garçon ou fille ou enfant des enfants des enfants et ainsi de suite. يعني, alors dans ce cas-là, ils auront le sixième. Le père aura un sixième et la mère aura un sixième. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, et on continuera l'explication de ça au prochain cours, bi'idhnillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.